nanu mama chéri wapé fem passé misère on est jamais aimé pitié pour ti papa mais elle le nom t'es fait que même si que moi c'était tigre le nom t'es fait que même si que moi c'était tigre. Ay, mama chérie, souviens-nous m'étaler. Ay, mama chérie, pour m'étaler, ma sentiment délire. M'a senti moins délivré. Senti moins délire.